Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Sémy Gué sera les nôtres pour parler de voitures dans son segment PRNDS. Marie-Laurence Audet nous parlera de loisirs parce que le loisir, c'est bien plus qu'un jeu. Et Alexandra Carignan élèvera notre niveau de culture avec le temps d'une culture. Assemblage requis commence tout de suite. Pas la danse, on fait tous la danse du ventre et des épaules pour accueillir les auditeurs à Assemblage requis ce matin. Jean-Philippe, comment? T'as pas vu mes pieds? Ah, c'est en dessous de la table, comme toujours avec Jean-Philippe. Il y a tout le temps quelque chose sous la table. Les Clarks. Donc, bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 18 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oh oui, qu'on a une émission pour vous. Ah, ça, c'est un fait. On a une émission pour vous. On faisait du mime, là. Oui. En dessous de la table. En dessous de la table. Je me servais de mes cinq membres. Donc, aujourd'hui, t'as compris? À 8h, on a Marie-Laurence Audet et sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. On va se divertir avec elle. Sûrement une version trifluvienne de Price is Right, quelque chose de divertissant. Mm-hmm. À 8h30, elle va nous faire la chronique de l'AGEQTR. OK. Toujours Marie-Laurence Audet, donc elle est vraiment, elle est partout aujourd'hui. À 9h, elle est toujours là. Toujours là, encore une fois. Je sais qu'on a, en quelque part, entre 8h et 8h30, le dévoilement du groupe ou de l'artiste, où on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce qui se passe ce soir, finalement? Ouais, c'est une soirée cachée qui a lieu ce soir à la Galerie d'art R3, ça a été annoncé. Oui. À 22h. Mm-hmm. Toujours vrai. Mais on ne sait pas encore c'est qui. On va savoir ça tantôt. Mm-hmm. À 9h, Alexandra Carignan va venir nous voir pour parler d'art et spectacle dans le temps d'une culture. Donc ça, c'est en fin d'émission. On va aussi voir, si le temps le permet, la chronique du mardi, Kinky Sexy Time. Le temps va le permettre, Mathieu. Crois-moi. C'est pas t'arrange, on va finir à 10h s'il faut. Bon, on va voir le temps. On passera pas à côté de ça. C'est ça. Oh no. Ah, je te reconnais là-dedans. T'es en train de danser. En dessous de la table. En train de danser entre les draps, en dessous de la table, entre les fesses. C'est comme ça qu'on joue. Mais on va débuter comme on le fait le mardi habituellement. Et comme toujours, on est très heureux de le faire avec Jean-Samuel Gué, sa chronique PRNDS. Bonjour Jean-Samuel. Hey, salut Fafrette. Et salut Fafrette toi-même. Et aujourd'hui, j'entends. Oui, Steve. J'entends dire. Steve. Le patois québécois, Steve. Donc, non, pas toi. Steve, le patois. Ah, pas toi. Ah, drôle. Ben, bof. Ben là, t'as dit drôle, bof. J'étais un jeu de mots de me lever et d'aller me les geler dehors. Il faisait froid, mais finalement, c'était bien correct dehors. Donc, Jean-Samuel, bonne fête mutuelle entre toi et moi. Moi, c'était hier, toi, c'est aujourd'hui. Donc, Tout à fait. Bonne fête. T'as quel âge? 31 ans. Les sacs sont du chaud. Oh! C'est pas par la bouche. Steve. Donc, Jean-Samuel, on parle de voitures comme à toutes les semaines. Et je te vois avec ton petit catalogue Sears de voitures. Je sais pas trop ce que c'est. C'est-tu le guide du pool de char? Ça, c'est un guide très intéressant, même pour les journalistes automobiles. Okay. C'est Protégez-vous. Ah. Sur l'automobile 2013. Édition spéciale, c'est un fucking bon guide. Okay. Qui donne des descriptions brèves, mais très précises, puis toujours pertinentes. Si jamais vous magasinez un véhicule, faites pas confiance aux journalistes automobiles, parce que c'est tout des vendus. Il l'a dit. Steve! Ben, vous pouvez vous fier à ce guide-là. Protégez-vous. D'ailleurs, s'occupe de plusieurs catégories de produits, puis ils les décrivent tout le temps avec beaucoup de recherches. Comme le guide de jouets qu'ils font aussi, protégez-vous. Ils exactement, en font laveuse, portable, téléphone cellulaire, etc. Fait qu'il y a toujours des sujets hyper intéressants. Puis en termes d'automobile, ils sont sur la coche. Des descriptions qui sont toutes reliées à la fiabilité des véhicules, ce qui est un des critères les plus importants en termes de choix automobile. Fait que pour ce qui est des... Tu vas pas te procurer ça pour les détails, genre combien il y a de porte-verre, là, mettons. Exactement. C'est vraiment pour l'aspect technique de la voiture, comment elle va. Tout à fait. C'est un court texte d'à peu près 150 mots. Avec, tu sais, c'est des phrases assez courtes décrivant les différentes caractéristiques du véhicule. Tout ce que vous avez besoin de savoir, moi, je trouve ça idéal. Puis c'est tout classé avec des étoiles, donc de 1 à 5 étoiles.

little bit small time song. Oh yeah! My band for hire, find a cancel in a bank of songs. I'm on the find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rags. Find some graffiti on my china place. Got a happy hammer for the refined taste. Another school yes clean. The basement's full of all the dandelions. The kids could pull, find some entitlement. Some hipster swag, a conversation for my vanity page. And now the typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. Got my Christmas faith, the angels shine on the lips of the few in the shadows of the gun. All the lies on the cheeks of your face, promises on the base of your teeth. Come on, all the lies on the cheeks of your face, will you take what you will receive? Êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mardi 18 mars 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Puis ils sont tous hangover. Tout le monde est... Qui ici n'est pas hangover? Et moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Ouais. Toi, c'est Mathieu Plante. Jean-Philippe hangover Charbonneau. Non. Non, eux. Pas okay. Moi, eux. Mais là, attends un peu. Attends, là, on m'avait dit qu'on parlait premièrement des soirées cachées de ce soir. Ben, pour de vrai, on devrait les laisser se battre pour savoir qui commence. C'est ça, parce que je me rappelle que Camille, en guillemets, Magali Goulet, c'est ça, allait pas participer à cette intervention-là. C'est ce que tu m'as dit, moi, c'est ce que j'ai compris. Ben, c'est ça que j'avais dit. Et là, t'es devant moi. Ben, ça a l'air. Puis tu parles. Ben, ouais. Le micro d'allumé devant toi, ouais. Directement aligné vers ta bouche pour être sûr qu'on t'entend pas. Ouais. Habituellement, on m'entend pas aussi. D'habitude, on t'entend pas. C'est... Ou on t'appelle par le mauvais nom. Oui. Dépendant des je fois. Je fais pitié, dans le fond. Vraiment? Mais t'es là pour nous parler un petit peu des soirées cachées qui ont lieu ce soir, 18 mars. Et la dernière fois, on avait dit qu'on ferait quelque chose. Évidemment, j'ai oublié. Donc là, je m'en suis rappelé. Donc, on va le faire. C'est, tu vas devoir nous poser à l'improvisation totale une énigme pour nous faire deviner les mots du groupe ou de l'artiste. Pareil comme le père Fuller. Hein? C'est pour rajouter un petit défi de plus. C'est trop facile. Ben oui, ça, okay? Hein? C'est fin. Tu peux me faire des mimes. Tu peux me faire des mots qui riment. Tu peux y aller avec une description du mot. C'est vraiment comme tu veux. Ouais, moi j'ai des choses à te dire, Mathieu. T'as des choses à me dire. Est-ce que toi, tu connais le groupe parce que t'es évidemment DG du GME, du groupe des médias étudiants. Est-ce que tu veux l'aider? Mais est-ce que t'as besoin d'aide? Oui, ben oui. Mais écoute, Mathieu, là, je pourrais prendre ma grosse voix. Oui? C'est enfermé dans sa chambre. Ah, t'es il bon. A maintenant plus de 3 ans. Ben, t'es donc bien bon. Ça, c'est la cigarette qui fait ça, Mathieu. OK. Oui, oui, il y a quelqu'un qui a fumé en onde tantôt. Je suis impressionné. La cigarette électronique. Ouais. La vapeur. seul, une guitare, une harmonica et un crayon à la main. Guitare, qui suis-je? Harmonica à la main. Ah, hey, c'est bon! Camille, est-ce que tu le sais? Enfermée dans sa chambre pendant 3 ans, le pauvre petit. Attends un peu. Moi, pauvre petit. Pauvre petit. Ah, petit. Ah, oh, indice. OK, donc il fait en bas de 5 pieds 10. Non. 8, non. Non. Puis il est grand, donc. Oui. OK, 6 pieds. Ben, on va je vais le mesurer à ça. OK, donc... Attends, OK. Mais là, il y a quelqu'un qui frappe dans ta porte. T'as encore du temps! T'as encore du temps à qui? Ah! Toc, toc, joke. Toi, t'as du temps pour trouver. OK. Moi, je dirais, mon premier choix... Allez, allez! Oh, wow! Moi, je mets de la pression. Moi, mon premier avis était Pépé. Ah non, c'est pas enfermé dans sa chambre, c'est Pépé. C'est pas Pépé. Enfermé dans sa chambre. Est-ce que c'est dans le palmarès en ce moment? J'ai-tu droit à des indices? J'ai-tu droit de poser des questions? Non, négatif. Négatif, pas le droit de poser des questions. Est-ce que tu veux que je continue? Oui, continue avec d'autres énigmes. Est-ce que je continue en père fourreur ou pas? Ben, c'est bizarre, oui, en père fourreur. Oui, mais c'est dur sur la voix. En fait, je continue le restant de la semaine en père fourreur. Jusqu'à la fin de l'émission. C'est un auteur, compositeur, interprète. Pour de vrai, je suis sûr que j'ai déjà des appels sur mon cellulaire. Ouais, ben, il nous manque quelqu'un pour doubler. Ça s'ajoute-tu encore? Oui, ça commence. Come on. Okay, fourque le sens. Attends. J'ai lancé mon EP en début de l'été 2013. L'été 2013, okay. L'été 2013. Ouais. OK, est-ce que c'est francophone? Oui. OK, francophone. Je suis en anglais, je ne veux pas t'insulter. C'est non. Non, c'est non? Pas francophone. Là, c'est parce que si je pose des questions, il faut qu'il réponde. Pose-les à moi, dans le OK, fond. Je vais te les poser à toi, puis toi, pas besoin d'imiter le parfoura, OK? Non, ça me donne pas, je le sens pas. Un maxi anglophone, est-ce que tu m'as dit s'il était sur un palmarès en ce moment? Non, je ne l'ai pas dit, puis j'ai pas vu. Moi, je t'ai dit non. Rien. Il n'est pas en ce moment. Moi, je t'ai dit non. Et quand il a dit non. C'est difficile, là, par exemple. Qui est... Il joue ces temps-ci guitare. Avec Joseph Arthur puis Ian Kelly. J'ai l'impression de laisser tomber toute l'équipe de ces fous, là. Ah. Ah, mais c'est pas facile, Mathieu. Non, non pas l'air. C'est le plus difficile que tu aurais eu à trouver. Jusqu'à maintenant. Ouais. Avec Ian Kelly. Donne-moi des indices, genre des descriptions okay. De mots, ou des sons comme ou des mimes, quelque chose. Je l'aurais pas sinon, je suis sûr que je l'aurais pas. On rappelle à tout le monde qu'on cherche le groupe des soirées cachées qui ont lieu ce soir, 18 mars, 22h, Galerie R3, okay. Luc-Théa. Un dément? Un dément, ça quoi? Ça de la. Ça tire. Oui. Ça tire. Non, non. Tire le coyote. Non. Non. Il y a un positif, il y a un négatif. Okay. C'est. Ça s'annule. Le pôle nord et. Le pôle sud. Mais toujours avec un aimant. Avec un aimant, le pôle nord. Non. Aiguille. Qu'est-ce qui fait que ça colle, Mathieu? Qu'est-ce qui fait que ça colle? Le métal. Oui. Le fer. Mais c'est quoi le fer, en fait. C'est quoi le phénomène physique? L'attraction. Oui, c'est... Oui. C'est l'attraction intégrale. La nouvelle Ford Focus 2014. Ça rapporte. On t'entend, tu sais. Ça n'a pas rapport. Camille Mags qui est en train de okay. Parler. Hein? Oui. C'est quoi, t'as dit? Camille Mags. OK. OK. T'as, mettons les trois premières lettres. Mags. Les trois premières lettres. De Camille? Non, de... Mathieu, je sais pas, là. Je sais pas ce qui se passe. On n'est pas rendu là. Peut-être qu'il est rendu là après 4 minutes 55. Ben, c'est pas, non. Donc, Max, s'il te plaît, nous en parle un petit peu. Est-ce que tu veux qu'on ait juste écouté la chanson? Ouais. Puis là, je vais le deviner. Après autant de délibération. Oui. Puis je vais retravailler mes indices. Oui. Parce que Mathieu, t'es pas coopératif ce matin, Mathieu. Je suis pas non. Coopératif. Non. La banque, la discothèque me défile dans la tête, là, comme ça n'a pas de sens. En tout cas. C'est raté, donc la clé est à la mer. Oui. D'accord. Il va falloir que tu nages un méchant temps pour trouver la clé. On écoute. J'espère le deviner pendant que la chanson va jouer. Ça serait... On laisse les micros ouverts tout le long, c'est non. ça? Non. c'est parti. Mathieu, t'es revenu de nager. Je suis revenu à la nage avec la clé en main. Et là, on va refaire un petit peu le processus qui nous a mené à comprendre ce qu'on avait. Jean-Philippe, toujours en train de deviner. Ben, en fait, je suis en train toujours de deviner oui. les indices de, Jean-Philippe pour trouver l'artiste et ou groupe qui va être présent, va ou vont. Okay. Être présent ou présent avec un S au soirée caché, c'est fou de ce soir. Donc, c'est sérieux. 22h, Galerie R3, oui. OK, Mathieu. D'accord, je vais. Est-ce que t'es prêt? Oui. OK, Mathieu. Je m'en Deux mots. Deux mots, oui. Parfait. Faut que tu me le dises, parce que c'est des mimes. Ça, c'est lui. Ça, c'est donc, lui. Ça, c'est... Elle. Parfait. Oui. Un rot pas de R. Un rot pas de R, comme un rot, là. Oui, un rot. Donc, hot. Oui, donc, le premier mot, c'est... Elot, lot. Oui, OK. Fais des liaisons. Elliot, Elliot. Oui! Elliot! Voilà. Elliot! OK, donc j'ai Elliot. OK. Parfait. Si, mettons, je suis pas un vrai magicien. Non, OK. Qu'est-ce que je fais? T'es pas un magicien, tu fais de la pas magie, ben, de la poterie, de la cuisine. Non, mais mettons, OK, je suis un magicien. T'es un magicien. Donc, je fais de la... De la magie. Mais si c'est pas vrai, en anglais... Not magic. Oui, OK. Yes, no magic. Mets les deux ensemble. Yes, no magic, non. T'es pas loin, Mathieu, t'es pas loin. mets le mot magie avant. Magie. Puis mets le nom après. Magie, non. Oui! Ah! Il y a de Magino! Ça m'impressionne, Mathieu! C'est pas pire comme talent! Oui. Et ça fait de la bonne radio, comme on. C'est, oui. C'est ça, c'est de la bonne radio. Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est les deux? Pas eu de roulement de tambour. Pas eu de roulement de tambour. Non, mais ben oui, mais là, t'as vu, il a pris genre un an à trouver c'était quoi. Puis lui, il est enfermé depuis 3 ans dans sa chambre. Oui. Éliott Maginot. Oui. Bon, ben, donc, c'est dit. Éliott Maginot, ce soir. Ce soir, à 22h, Galerie d'art R3. Au soir, caché, c'est fou. Vous allez voir les affiches au courant de la journée, n'est-ce pas, Max, Camille? Oui, bien sûr. Jonathan va nous gâter les affiches. Hein, Jonathan? Oui, il fait une mime que oui. Oui, il fait un pouce en l'air, puis il a pas l'air convaincu. Il a un petit peu mal au cœur. Oui. Ça va. Oh! Sauf que ce n'est pas tout, Mathieu. C'est pas tout, non? Dis-moi en plus. Non, ben non, je suis juste la parole. Qui veut parler? Bon, Jonathan. Okay, on laisse la parole à Joe on the side, Joe Côté, qui va se prendre le micro pour nous parler. Qu'est-ce qui se passe d'autre en plus au soir caché? C'est à vous de me le dire! Non, mais c'est vrai qu'on faisait de la bonne radio un matin, tu sais. Oui, va aider. Ben oui, non, mais comme t'as été tellement bon pour trouver Éliott Maginot, hein? Oui, c'est tellement facile quand je le dis comme ça. Non, mais ce soir, il sera pas tout seul, n'est-ce pas? Non, parce qu'il va avoir une première partie, Mathieu. Exactement. Et pourquoi pas te faire deviner la première partie, Mathieu? Ah, oh, OK, on parle là-dessus. Tellement facile. Alors, c'est pas assez souffrant. Ah, des œufs, c'est quoi? Comment on dit ça, des œufs? Eggs. Non, mais en français. On est toujours en français. Une douzaine. Hein? Des œufs. On se fait frotter le? Le coco. Coco, exactement. Wow! Ça, c'est des bons indices. Et merde, le deuxième mot. Oui, toi, tu prends quelque chose qui n'est pas facile quand même. OK, mais je vais te le dire, le deuxième mot. OK. Oui, mais c'est Méliès. Est-ce que c'est Méliès? Oui, exactement, Mathieu. Coco Méliès, je l'ai eu. Oui. Tu es en feu ce matin. Alors, ce sera la première partie du spectacle ce soir. Oui. Juste avant Éliott Maginot. Voilà. Ouais, Éliott Maginot, c'est comme ça. Éliott Maginot. Mini Maginot. Petite soirée feutrée, Mathieu. D'accord. Où on va recréer une petite ambiance cabaret, Mathieu. On va se chixer aussi, Mathieu. Oh, tu vas te chixer. Oui. Donc, c'est pas ça que tu vas porter ce soir. Non, c'est ça. Je vais avoir ma petite robe, puis je vais avoir des petites fesses bien serrées là-dedans. Waouh! Donc, ce soir, 22h, Galerie d'art R3, c'est juste à côté du pavillon où nous sommes en ce moment, le Néré-Beauchemin. C'est le nouvel ajout blanc de la Galerie d'art, en fait, du pavillon des arts sur le campus de l'UQTR. Donc, soyez-y, 22h. Ce soir, on est le mardi 18 mars. Voilà. Plus d'informations sur Facebook. Évidemment, en cherchant Soirée cachée, c'est fou. On remercie Joe on the side, Joe Côté, Camille, Max, Goulet. Oui. Merci à vous deux et à la prochaine soirée cachée. Oui. On a assez fait attendre notre amie Marie-Laurence Audet. Oui. Elle est toujours là et elle s'en vient avec deux chroniques de suite, donc on va s'amuser avec elle tantôt. Par contre, avant ça, juste pour transitionner, avoir le temps de se replacer, une deuxième pièce de Éliott Maginot. Oui. Laquelle, s'il te plaît? Laquelle qui te tenterait, Mathieu? Mettons, vas-y sur un chiffre de 1 à 8. 7. 7, 2, 4, 6, 7. Ça va être Raging on Me. Tout de suite, assemblage Rocky. C'est là. You would say hang upon my head. Sometimes I wear them like a crown. Sometimes I hide them like a crown. You shouldn't be afraid, she said, to rule upon a land so small. See, there ain't no one at your walls. Same. figured myself out so long ago. A servant's all I ever be. So raise your voice and rain on me. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mardi 18 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, Jean-Philippe Charbonneau qui est là. Et Marie-Laurence Audet qui est là aussi. En fait, elle est là depuis, on lui a parlé tantôt dans le coin de 8 heures. Entre-temps, il s'est passé bien des choses. On l'a perdu dans la brume. Mais là, elle est de retour. On l'a assez fait attendre et on s'excuse de l'attente. Pas de problème. J'ai toute la journée. Ben, c'est le fun parce qu'on passait la demi-heure complète ensemble avec deux chroniques de toi. Mais c'est pas fini. Je suis encore là. T'es tout à fait là. Donc, commençons par le commencement. C'est ta chronique personnelle en ton nom. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Le loisir bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, bonjour. Bon matin. Yeah. Content de te revoir pour parler de loisirs avec toi, de divertissement, de choses qui causent une certaine dose de plaisir. Ben, du fun. Du fun. Exactement. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ce matin, là, je vais parler avec vous de savoir à quel point nos villes sont adaptées à l'ère du loisir, dans le fond, parce que présentement, il y en a plusieurs qui considèrent qu'on est à l'ère de la civilisation du loisir. Le loisir a pris de la place, dans le fond, de la reconnaissance dans notre société. À quel point nos villes, nos infrastructures sont adaptées à la réalité qui tourne autour de ça. Il y a du loisir dans l'air. Ok, oui. Wow! Mais finalement, on... Comme la toune au palmarès qui disent. C'est ouais. Ça, de... Elliot, quelque chose. Donc, je vais y aller avec une petite mise en contexte quand même, parce que j'ai beau parler de chronique de loisir, mon... auditoire, aussi nombreux qu'il peut être. Tes fans. Mes fans, avec des S. Zzz. Mes fans ne sont pas nécessairement tous dans le domaine du loisir, donc je vais quand même faire une petite mise en contexte, une mise en situation avant d'aborder le sujet. Donc, comme plusieurs le savent, la période qui a marqué notre société, il y a eu la révolution industrielle, qui est en fait une période où les usines ont pris de l'expansion, les gens se sont vus quitter les villes, lâcher un peu plus l'agriculture et se diriger vers le milieu industriel. Puis à ce moment-là, il y a eu beaucoup... c'est ça, de déplacement, d'exode rural. Et les gens ont vécu une réalité, en fait, qui il y avait plus de monde qui cherchait une job que de job offert. Mmh. Fait que là, il y a eu l'enchaînement là-dedans, les gens, de plus en plus les conditions au travail, parce que, tu sais, au début, c'était, c'était pas content des conditions qu'on t'offre, même si elles sont pas bonnes, ben, il y en a un autre qui attend la porte. Ouais. Fait que là, finalement, ça a changé, il y a eu les lois des normes du travail, les gens se sont adaptés et tout, et on s'enlignait vers ce qu'il disait il y a une couple de décennies, une société du loisir. En fait, ce qui était prévu pour les années 2014, mettons. Là. On jase. On jase d'années comme ça au hasard. Ce qui était prévu, en fait, c'est que les gens travailleraient de moins en moins, auraient de plus en plus de temps pour eux, donc de plus en plus de temps pour leurs loisirs. C'est pas ça qui s'est passé, parce qu'avec toutes les conditions de vie qu'on a mis en place pour permettre un équilibre social, les gens se sont vus accorder plus de temps et se sont dit « Hé, hé, pourquoi ne pas plus travailler? » Donc, ça, c'est pas du tout la prévision qui était faite, mais reste qu'on a vu une amélioration entre le temps où les gens n'avaient pas du tout de temps à eux et maintenant. Donc, et présentement, on voit quand même un essor vers un retour vers la famille, vers les valeurs de base et vers du temps que les gens accordent pour eux-mêmes, pour leurs loisirs. Donc ça, c'était quand même ma mise en contexte pour savoir maintenant, concernant le loisir, concernant la reconnaissance que ça a pris dans la société, est-ce que nos villes et nos infrastructures sont adaptées à cette ère de civilisation du loisir? Vous, c'est quoi votre réponse face à cette question? Est-ce que vous pensez que les villes sont adaptées? Ben, je sais pas. On entend parler des trucs, la place des festivals, là, festival à Montréal. Là, j'imagine que ça sert à ça. À Trois-Rivières, mettons, dans les plus petites villes comme ça, je sais pas si c'est totalement adapté. On bloque des rues qui sont pas faites pour ça. On va installer des affaires, je sais pas. C'est ce que ça me donne comme impression. On n'est peut-être pas organisé pour ça tant que ça. Mm-hmm. Hein? Et vous, M. Charbonneau, moi? Qui êtes un peu dans le secteur? Plus que moi, mettons. Moi, je dis que c'est sûr que la réponse est non. Non. En fait, la réponse de ceux qui sont pas au courant du domaine, c'est non. Les gens, ça dépend. Ça dépend tout le temps. Il y a moyen d'argumenter. Mais selon différentes études, la majorité des gens face à cette question-là, le grand peuple, ils pensent que non, c'est pas adapté à la société parce qu'ils voient un peu comme la mise en situation que je vous ai faite, la réalité que les gens travaillent de plus en plus. Cependant, on a différents spécialistes comme des urbanistes, des économistes, des sociologues qui reconnaissent dans le fond de plus en plus que le loisir a envahi et remodelé les villes. Puis, il y a eu des études qui prouvaient que le loisir, il représente une grosse partie de l'économie, puis les valeurs qui sont associées au loisir aussi, concernant la qualité de vie et tout, imprègnent même jusqu'au milieu du travail des gens. Donc maintenant, on voit dans les différentes organisations un côté social, un côté équilibre, un côté où est-ce qu'il y a, ben c'est ça, dans le fond, le loisir a intégré même le marché du travail, donc il y a une avancée et de plus en plus, les villes sont adaptées. Non, présentement, on vit pas dans... Ça, t'as une partie de la réponse. Ça fait le... On vit mais pas... Parce que j'ai dit non. La prochaine fois que j'allais dire non, je vais lui donner raison. Mais on vit pas dans le paradis du loisir. Je veux dire, on n'est pas à l'apogée, tout n'est pas atteint. Donc, pour cette partie-là, la réponse était non. Mais on voit quand même, comme je disais tantôt, comme Mathieu le disait, ben la réponse officielle était oui, parce qu'il y a vraiment une grosse amélioration. Mais il me semble que tu fais juste sortir de chez vous et que tu as du loisir en face. Mais en fait, il y en a, mais c'est pas tout le monde qui le voit. C'est ça. Ouvrez les yeux quand vous sortez de chez vous. Donc, le loisir est une réalité qui est de plus en plus installée. Sa place n'est plus à faire dans la ville. Il a déjà intégré les villes, maintenant il est en essor. Puis on voit de plus en plus sa construction et sa reconnaissance accélérée. Ça a été dit aussi que durant les 20 dernières années, les différents centres-villes ont été réaménagés en faveur du loisir. On peut le remarquer dans différentes villes où est-ce qu'ils ont un centre. Non, pas juste un coin de rue. Non, mais on parlait, par exemple, que les projets qui étaient développés dans les villes qui étaient beaucoup plus à caractère ludique, à caractère touristique, à caractère culturel. Puis là, on voyait des exemples comme les musées, les marchés, les places de spectacle qui prenaient place en plein milieu des centres-villes. C'est pas juste des escaliers, mettons. Non. Mettons. Ouh, des escaliers. Puis le but derrière ça, c'est que les gens ne tiennent plus juste à attirer les touristes dans les centres-villes, mais cherchent aussi à y attirer des résidents permanents. Des gens qui sont déjà là, mais qui sortent pas. Exactement. Ouais. Donc, c'est pas juste des gens de l'externe de la ville, des gens de l'externe du pays, mais des gens à l'intérieur de la ville, au mieux pour qu'ils s'installent résidents dans le centre-ville. Oui, ça donne une raison de rester. Qu'ils passent du temps, même si ils sont en ville, parce qu'on sait tous que les services qu'on utilise le moins en termes de loisirs sont souvent ceux les plus à proximité de nous. Exactement. Donc ça, on va parler à des gens de Montréal qui n'ont jamais visité le stade olympique, alors que des gens qui partent de l'autre bout du monde pour juste faire cette visite-là. C'est comme dit le célèbre dicton, le nul n'en profite dans son propre pays. Tu vois, j'ai comme détourné nul n'est prophète. Oui. Nul n'en profite. T'as oui. Pas pire. Bon, quand même. C'est bon. Merci. L'autre jour, j'ai eu ça dans mon biscuit chinois. C'est toi qui l'as écrit? Peut-être. Hey, hey. Puis, on remarque aussi que les villes industrielles, ben non, à la base des villes industrielles, c'était basé sur la production, alors que les villes post-industrielles, c'est basé sur les besoins de consommation autour de la production. C'est vraiment un changement de mentalité, un changement qui est maintenant plus axé sur le culturel, sur le social, sur le touristique. Puis les meilleurs exemples qu'on peut avoir, et dans l'étude, il y avait même Trois-Rivières. Écoutez bien ça. Ils ont nommé le centre-ville de Trois-Rivières, le centre-ville de la ville de Rimouski, le Vieux-Port de Montréal, le lac des Nations de Sherbrooke, le bassin de Salaberry de Valleyfield, qui en fait sont des lieux qui, au début, si on se fie par exemple au port, comme le Vieux-Port de Montréal, qui étaient vraiment là en termes de production pour les usines, pour la marchandise, alors que maintenant, c'est un attrait touristique, culturel, social, qui fait partie des éléments dont on parle dans le domaine du loisir. Et ces différents milieux-là, ils ont leur côté industriel, leur côté production, et maintenant entouré d'aspects, comme je disais tantôt, de consommation. Donc, on va retrouver des cafés, des bistrots, des restaurants, des bibliothèques. Donc, il y a plusieurs services autres qui entourent ces éléments de production-là. Le rôle des professionnels en loisir à travers cette nouvelle réalité-là, comme je dis à chacune de mes chroniques, je pense, c'est vraiment d'être au courant des différents besoins de sa société puis d'adapter le tout en conséquence. Puis, il y a un autre aspect que je trouve intéressant qui est abordé à travers cette étude-là, c'est que maintenant, les villes font, en guillemets, les villes font salon. Donc, les villes, esthétiquement parlant, veulent se démarquer et ils vont y aller avec la signature, pas la signature en termes de « je te signe un chèque », là. Mais le trait Trois-Rivières, le mettons. Le trait Trois-Rivières, exactement. L'image de la ville, marque, l'image de marque de la ville est de plus en plus importante. Oui. Les gens y accordent de plus en plus d'importance. Puis cet aspect esthétisme-là a mis en place aussi des nouveaux comportements de consommateurs, des nouveaux comportements comme par exemple le tourisme urbain. Tu as des gens qui se promènent de ville en ville juste pour voir des éléments comme le trait Trois-Rivières, oui, qui est l'esthétique de la ville. Donc, l'élément qui la fait... fresque, la fresque, mettons. Exactement. On va voir ça, il y a des visites guidées de la fresque, etc. Oui. Mm. Puis, l'aménagement aussi des différents aspects de loisirs a toujours comme but d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer la société en général. Puis on met beaucoup de poids sur le secteur du loisir parce qu'on se dit « Ah, ça va diminuer le stress, ça va améliorer la qualité de vie, ça va sauver les gens, ça va diminuer la maladie, ça va aider à la conciliation travail-famille. » Donc, ça va soigner le cancer, ça va tout faire. Oui, ça fait tout. Mais c'est une réalité aussi que le domaine du loisir peut intervenir dans toutes ces problématiques-là, peut aider. Puis c'est souvent pas la première chose à laquelle on pense quand on cherche, si on veut, un plan d'intervention face à une problématique dans une ville. Mm-hmm. On est plus porté à y aller du côté médical, à y aller du côté travail social. Oui. Alors que cet aspect-là aide sans s'en rendre compte. C'est comme un... C'est comme un soleil. Un loisir moyen. C'est ça. Parce que t'as la thérapie par la luminosité, exactement, la thérapie par les animaux, mais la thérapie par le loisir, ça peut exister aussi. Tu peux te divertir et oui, ça va régler bien des problèmes. Puis au-delà de la pensée populaire qui pense que c'est juste un luxe, que c'est juste un à côté, que c'est juste un ajout qu'on pourrait couper en première ligne. C'est ça. Oh, moi, j'ai juste 20$ de budget par année pour aller voir des shows, mettons, tu sais, ça... Non, t'es pas obligé de payer non plus pour aller voir des spectacles. Exactement, t'es pas obligé de payer. Il y a les soirées cachées pour ça. Tu sais, donc ce soir, à 22h, on vous invite aux soirées cachées, c'est fou. Je vais être au bar, vous viendrez me dire bonjour. On va vendre une petite bière. Je vais être au bar à côté. On va être à côté, m'a fanté. Donc, si je peux conclure par rapport à ma chronique, c'est vraiment qu'on n'est pas à l'apogée de cette réalité-là. Le loisir est vraiment une jeune science qui est présentement en grand essor. Puis on voit ses bienfaits, donc c'est de plus en plus reconnu. Et c'est pour cette raison-là qu'on intègre aussi de plus en plus les professionnels loisirs dans les différentes décisions. Parce qu'on sait que, par exemple, dans une ville, les conseils municipaux et tout, on a des spécialistes de tous les secteurs. On va avoir quelqu'un en urbanisme, en ingénierie, en architecture et tout. Mais de prendre en considération l'aspect loisir, puis juste améliorer autant la qualité de vie, le bien-être, qu'attirer les touristes, mais améliorer la qualité de vie des résidents. Donc voilà, c'était la chronique de ce matin. C'est beau. Est-ce qu'on t'appelle l'oisologue, l'oisophile? Est-ce qu'il y a un nom pour les gens en loisir? Récréologue, technicien en loisir. C'est genre, en fait, on s'en rejasera. Mais on a souvent dans le domaine différentes appellations, dépendamment des milieux dans lesquels on est, dépendamment des secteurs dans lesquels on est. Souvent, si t'es par exemple dans le milieu scolaire, tu vas être un animateur à la vie étudiante. Si t'es dans le milieu communautaire, des fois, tu vas être un agent de développement. Si t'es à la ville, tu vas avoir un autre poste. Donc, notre nom, le fait qu'on n'a peut-être pas un ordre non plus, là, un ordre professionnel, il s'adapte aux différents milieux, qui est un peu comme notre profession qui peut intervenir at large, peut intervenir vraiment auprès de toutes les clientèles. Donc, vous pouvez juste m'appeler Marie-Laurent, ça va aller. Oui, c'est ça va aller. Étudiante en loisirs et culture touristique. Récréologie. Et tes fans sont des dorénavant des farfadets. Des farfadets. Oh! Hein? C'est nouveau, je vais sortir dans ma tête. Oui, Mathieu. Pas pire. Des farfadets. Ça, c'est la meilleure de la journée. C'est wow. Merci. Oui. À date, j'en ai juste deux, puis je vais m'amener. C'est pour ça, c'est la meilleure. Merci, Marie-Laurence. Mais merci. Pour la chronique Les loisirs, bien plus qu'un jeu. Petite pause musicale au retour, la chronique de la GEQTR. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Come on, je suis zoo. Yeah. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Ah. Come on, je suis zoo. Ah. Ah. Le chihuahua, un panda, iguana. Crossbreed comme un taureau in heat. Il faut que tu beats sur la meat. Cheap, cheap, bien, ça c'est cheap. So hot dog, ton hamburger, il faut la meat. Bien, là c'est zoo, un bourre gourou. Combirez-vous, ça qui veut l'avoir. On veut l'avoir, so malade dans des cages. J'ai des malades dans des cages. J'ouvre la porte, il faut que tu sortes lush soul. Lush soul, lush soul. Comme un minotaure, pointeau, du mado. Comme un pourri cat, il paraît sur que je flow. Never mind, j'ai cool cat, qui se promène dans l'alleyway. Comme un young buck, what the fuck, j'suis le zoo, j'suis le zoo. Tu sais, je suis le zoo. Et why toute la bad rap pour les animaux, pour les animaux, pour les animaux partout. Je suis le zoo, je suis le zoo. Fais du ça, je suis le zoo. Dibadabadou, je suis le zoo. Comme un animal, c'est pas mal qu'animal. Freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Come on, je suis le zoo. Yeah. Come on, je suis le zoo. Comme un animal, c'est pas mal qu'animal. Freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, je vais harceler. Qui veut se promener en plein pour caler au plein mi-dans l'été. Avoir des cages pour nous sortir haut des cages. Ça qui fait là à la base, c'est comme un face à ce zoo. Class trip pour le zoo, ma sauce c'est zoo. Comme un coup, j'tarde une plate comme un hibou. Quand j'me réveille trop tôt, j'vois comme un corbeau. Yeah. Avoir pour le croire, un oiseau sur la main. Faut pas se faire avec un fur coat de bébé fuck. J'ai bien des pires, but j'suis contre les pires pires. J'veux des bottes faire des tirs avec la grise de baleine. J'ai bien des pires, but j'suis contre les pires pires. J'veux des bottes faire des tirs avec la grise de baleine. Come on, j'suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, j'suis zoo. Come on, je suis le zoo. Yeah. Come on, je suis le zoo. Comme un animal. C'est pas mal cannibal. Freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Come on, je suis le zoo. Yeah. Louis, Louis, Doc, Doc, Mickey, Mickey, Mock, Mock, Off avec ta mop, avec ta machine, machine. Come on, come on, come on, je suis le zoo. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Come on, je suis zoo. Yeah. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Come on, je suis zoo. Yeah. Come on. Radio, radio! Je suis zoo, assemblage requis. Tantôt, on était avec Marie-Laurence Audet qui nous a fait sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Elle est restée avec nous. Oui! Bonus! Oh yeah! Voici la chronique de l'âge de l'EQTR. Âge QTR, âge QTR, âge EQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'âge de l'EQTR parce que l'âge de l'EQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! C'est la chronique de l'âge de l'EQTR. On survole un petit peu les activités et actualités de l'Association générale des étudiants et étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Exactement. Et si vous saviez le nombre d'activités et d'événements que je vais vous annoncer pour juste pour la semaine à venir, sortez les papiers et les crayons, sortez la tablette, sortez les poubelles, sortez les crayons. Hey, hey! Hey. Oh là là! C'est vraiment une semaine chargée qui vous attend. Comme des batteries 3. Exactement. En fait, je parle de la semaine prochaine. Pas cette semaine, la cette semaine, c'est mort. Non, non, cette semaine, écoutez. Désert. On attend juste la semaine prochaine. OK. Non, mais je vous parle de la semaine prochaine. Okay. Parce que l'autre semaine, on parlait de cette semaine. Donc, dès lundi, le 24 mars, lundi prochain, première activité à midi. Vous aurez les midis de la recherche de l'AGE-UQTR, qui sont en fait organisés par la vice-présidence aux affaires académiques de cycle supérieur, qui s'adresse principalement aux étudiants de cycle supérieur, mais c'est ouvert au grand public. Donc, ça porte sur des sujets de recherche. Donc, comment faciliter la recherche, les différentes réalités reliées à ça. Il y a un conférencier et tout. Donc, les midis de la recherche. Et le lundi 24 mars à midi, vous allez avoir tous les détails sur le... Il y a un événement Facebook. Et dans le fond, tous les événements que je vous parle sont mentionnés sur le site de l'AGE-UQTR, sur le Facebook de l'AGE-UQTR, et ont tous aussi des événements Facebook. Donc, vous pouvez nous suivre, marquer « Je participe » et tout. Hey, la personne aux communications a fait bien son travail. Hein? Hey. Incroyable. C'est Cathy. Cathy, exactement. Parfait. Ensuite, cette même journée, lundi le 24 mars, on est allé au midi de la recherche. Maintenant, on a continué la journée. Il est rendu 4 heures. Mise en situation, il est rendu 4 heures. Mise en situation. Comme vous le savez, présentement, vient de débuter la campagne électorale pour le CX, le conseil exécutif de l'AGE-UQTR, pour savoir qui seront les officiers qui occuperont les 9 postes lors de la prochaine édition, qui commencera officiellement le 1er mai prochain. Mais d'ici là, il y a des élections, un temps de transition avec les anciens officiers et tout. Donc, lundi le 24 mars à 16h, aura lieu à la Chasse-Galerie le débat des candidats qui sont présentement dans la course électorale. On vous invite à aller les écouter. Vous allez aussi pouvoir poser des questions, donc les questions du grand peuple. Et c'est là que c'est le temps aussi de le faire. Si vous voulez avoir votre mot à dire, c'est là, s'il y a des sujets qui vous préoccupent, si vous trouvez que les priorités sont ou pas à la bonne place, c'est le temps d'aller vous exprimer. Ils sont là pour vous, ils sont là. Ils vont vendre leur salade. D'ailleurs, ils ont fait une toune hein, pour les élections. Je l'ai pas là, mais en version MP3, mais je l'ai dans ma tête, si tu veux. Election, good time, come on. Allez. Excellent! Je pense qu'on va jouer ça pendant toutes les élections. Puis là, après ça, tu sais, la grosse voix fait « Allez voter! Allez voter! » Donc, toujours lundi le 24 mars, c'est dès cette première journée-là de la semaine prochaine, 23h45, vous pourrez commencer à voter pour les candidats. Donc, la période de vote se débute lundi le 24 mars et va durer 2 semaines. Vous allez pouvoir voter sur votre portail étudiant et à ce moment-là, vous choisissez si le candidat, les candidats ou la chaise vous ont le plus séduit lors du débat. Ça va pour lundi le 24 mars. Oui, ça va. Et en passant, juste une parenthèse sur la programmation. Assez fou, on va avoir des candidats des élections de la GQTR la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui. Donc, tous les jours à l'émission. Soyez-y. Assemblage requis. Hein, c'est tout le matin. Vous appellerez si vous avez des questions. Oui. Voilà. Mais ça va être pas mal plus officiel, ces questions-là. Ce sera pas un débat. Pourquoi? Moi, c'est pas officiel ce que je dis? Non, ça va être un débat. Ah. Alors que l'autre, c'est juste. Moi, je réponds juste à non aujourd'hui. Non. Question-réponse. Non. Maintenant. Non. Celebrate action. Si on passe à mardi le 25 mars, à 13h, à la Chasse-Galerie, aura lieu la tribune des élections provinciales organisée par le vice-président aux affaires sociopolitiques de l'AGE-UQTR. En fait, à ce moment-là, vous aurez des candidats qui se présentent en Trois-Rivières et pour les élections provinciales. Ils vont vous parler un peu de leurs projets, de leurs priorités, de ce qu'ils mettent de l'avant. Et si vous avez des questions, encore une fois, vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, il y a beaucoup d'élections présentement en cours. On a le CX de l'AGE, on a les élections provinciales. Mais on a besoin de vous, autant pour voter que pour aller poser des questions. Mm-hmm. Tu sais que pour ces élections provinciales-là, ils ont fait une toune? Mais chante-nous donc ça, du coup. Ouais, s'il te plaît. Election, good time, come on. C'est la même. Avez-vous remarqué? Quel hasard, je ben sais oui. pas. Avez-vous vu à quel point, présentement, la GIE est égale aux provinces? Ben oui, c'est pareil. Même combat. On est sur le bord des dépassés. D'ailleurs, je viens de voir l'autobus de ceux qui se présentent passer. À même vos cotisations. Oui. C'est un petit card de golf. Mais comme Fred Caillou, tu sais, il n'y a pas de... Pas de comment qu'on dit? C'est pour avancer, là. Je le dirais pas. Ah. Des roues? Non. Je me dis quoi qui fait avancer l'auto? Des chevaux? Oui, c'est ça. Oui. Ah. C'est le cheval. Ah, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de cheval. Cheval. Hey, boy. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a donc une tempête de neige, Mathieu? Je sais pas. C'est sûr que oui. C'est mardi, je pense. C'est ça. mardi, ouais. Jour de la tempête. Oui. Comme qu'ils disent. Nous sommes rendus à mercredi, le 26 mars. En fait, l'activité que je vous présente est sur deux jours. C'est le concours d'affiches scientifiques qui aura lieu dans le hall d'entrée. À côté des guichets, puis du comptoir, guichets. Là, puis tout ça. Tout le monde sait son les guichets, ce qui vous ruine. Ben voilà. Maintenant, de faire un tour au concours d'affiches scientifiques, là où les étudiants de premier et de deuxième cycle s'affrontent. Il y a des participants dans le côté des sciences humaines et dans le côté des sciences pures et appliquées. Il va y avoir un comité jury qui va se promener. Différents prix vont être remis. Donc, on a des prix de l'UQTR, on a des prix de l'AGA, on a des prix des commandites et tout. Donc, venez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Les étudiants qui participent ont passé beaucoup de temps pour mettre en place soit des modèles scientifiques ou pour vulgariser une recherche qu'ils ont en cours. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. C'est souvent des domaines qu'on ne connaît pas. Donc, je vous invite à venir nous voir. Exact. Il n'y a rien de mieux pour apprendre dans la vie que de te renseigner sur un sujet que tu ne connais pas. C'est vraiment comme ça qu'on apprend le plus. Puis en plus, vous avez, contrairement à vos cours, parce que vous avez des lectures obligatoires, là, vous vous présentez devant quelqu'un qui est passionné, qui va prendre quelques minutes pour vous expliquer une théorie que vous en aurez pris des millions d'années à comprendre. C'est accessible comme information. Ouais. Plus ils sont capables de vous la vulgariser, mieux ils ont réussi. C'est l'idée. C'est l'idée de base. Autant pour eux de travailler à la vulgarisation pour rendre accessible l'information, autant pour vous d'avoir accès à ces différents domaines-là. Voilà. Voilà. Ensuite, nous sommes rendus jeudi le 27 mars. Jeudi le 27 mars à 16h à la Chasse-Galerie, on va avoir l'invitation du juge... Bon. Je sais pas non comment dire. Je me suis dit que j'allais le dire vite plus pas fort. En fait, ce juge-là est un invité spécial et un invité de renom. C'est un monsieur qui va venir parler de l'implication étudiante, de la place que la relève universitaire, la relève étudiante va prendre dans la société, notre rôle... tout l'impact qu'on va avoir. On est directement la clientèle ciblée en termes de sujet, mais autant en termes de spectateurs. C'est une hyper belle occasion. Venez faire un tour, venez l'écouter. Et toutes les informations sur son nom qu'il faut prononcer comme faux, puis les sujets qu'il aborde, sont sur le groupe Facebook de l'UQTR. De l'AGA UQTR, excusez-moi, pardon. C'est comme on dit, un invité de renom difficile à prononcer. Wow! Exactement! Tu sais qu'il a fait une toune pour l'implication? Ah, dis-moi en plus! Vas-y! Implication, good time, comment? Tout ce qui va finir en haut aujourd'hui, tu vas voir. Je vais te chanter ça. C'est rempli d'émotions, tout ça. Hein? Oui! Émotion, good time. Elle est dure, celle-là. Ça est moins fluide. Ouais, ouais. En tout cas. Ensuite, nous avons vendredi le 28 mars, 11h. Nous allons avoir le dévoilement des candidats gagnants pour le nouveau CX de l'AGA-UQTR à la Chasse-Galerie. Dévoilement, c'est tentatoire. Dévoilement, good time, come on. C'est vendredi à Chasse-Galerie. Vendredi à Chasse-Galerie. Si vous avez bien suivi depuis le début de ma chronique, vous avez une semaine pour voter sur le portail. Vous avez une semaine pour vous exprimer. Donc, entre le 24 à minuit moins quart et vendredi le 28 jusqu'à 11h le dévoilement, allez voter. C'est une grosse problématique que nous avons à l'université sur 10 000 étudiants de n'avoir que 10 % de taux de participation au vote électoral. Allez vous exprimer après. Surtout que c'est électronique. Mais c'est pas comme ça. Ça prend deux secondes. T'as même pas besoin d'enlever ton voile puis d'amener ta carte d'identité. Non, non, non. Tu peux rester voilé chez vous. Exact. Mais ça prend deux secondes. Puis les choix des candidats peuvent juste être plus représentatifs selon ce que vous voulez comme représentant de l'association. Peut-être aussi plus motivant quand tu sais que tu t'es fait élire avec un pourcentage élevé puis voir que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Tout à fait. Et même si tu n'as pas envie de voter pour quelqu'un, même si tu veux juste annuler ton vote, comme on dit, va voter pour la chaise. Au moins, il va y avoir un meilleur pourcentage de participation. C'est important. Il faut le faire. Le pourcentage ne sera jamais assez élevé. Puis vous aussi pourrez dire, quand la personne démissionnera, « Ah, j'ai voté pour lui. » Vous allez pouvoir le savoir. C'est comme un hipster. Oui. Puis c'est tes cotisations. Hein? C'est les étudiants qui payent tout ça, ces services-là. Exact. Ben, c'est les étudiants qui payent, mais les services sont offerts pour les étudiants. Oui, oui, oui, tout à fait. Mais c'est ça. Mais c'est à vous. Tu as dépensé cet argent-là. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, on vous invite à y aller. Puis quand les candidats ne vous plaisent pas, exprimez-vous aussi. Votez pour la chaise, démontrez votre non-intérêt. C'est là aussi pour ça. Donc, voilà. Ensuite, là, on a plein de sujets d'élections. Oh, une toune! Oh non! C'est encore le temps des élections. Come on! Concernant les élections, on a une bonne nouvelle concernant les élections. La bonne nouvelle, c'est fou! Les élections provinciales. Une nouveauté, il va y avoir le bureau de vote étudiant qui va être offert à l'Université du Québec à Trois-Rivières. le 28 mars, 1er, 2 et 3 avril prochain, tous les étudiants de l'UQTR pourront voter pour le vote provincial des élections au 4e étage Ringuet de l'université en ne présentant qu'une pièce d'identité normale comme vous auriez présenté dans chacune de vos régions. Oui. Et vous allez pouvoir voter même pour vos circonscriptions hors Trois-Rivières. Mettons Masquinongée qui est considéré comme pas Trois-Rivières. Mettons, je viens de Montréal. Oui. Ben, je vais pouvoir voter à l'UQTR pour mon représentant, mon délégué de Montréal. Donc, ben le fun, donc c'est une nouveauté à l'UQTR. On vous invite à profiter de ce service-là. Ils ont mis en place ça pour aller chercher le vote des étudiants pour éviter que les réalités, que les gens qui vont étudier dans d'autres régions soient pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas descendre, ils n'ont pas d'auto, ils travaillent, etc., etc. Ça ne prend que quelques minutes. Le 28 mars, 1er, 2 et 3 avril prochain, le bureau du vote étudiant se situe au 4e étage Ringuet de l'Université du Québec à Trois-Rivières. T'apportes une des pièces requises, comme à l'habitude. Ça peut être soit ton permis de conduire, ta carte d'assurance maladie, ton passeport, peu importe. Une pièce d'identité qui a une photo et qui n'est pas la carte étudiante de l'université. Et à ce moment-là, tu peux voter pour le candidat de ta propre région, même si c'est hors Trois-Rivières. Est-ce qu'on sait si c'est aussi disponible pour les non-étudiants? Ou est-ce que c'est vraiment réservé que pour ceux qui sont étudiants? Est-ce qu'on sait ça? Je sais que c'était vraiment focus sur les étudiants, mais je vais avouer que le... Je suis pas au courant de cette question-là, mais il y a un article qui est sorti pour annoncer ça sur les interwebs. Fait que si tu tapes « bureau de vote étudiant », comme ça, en direct... UQTR. Attends un peu. Enter, oui. On est en live. Wouhou! Aïe, aïe. C'est fait. Hop, hop, bureau de voteur, ce qu'on sait. Des informations. Good time! Soit les gens pensaient que c'était à cause de Mathieu Roy que ça dérapait. Finalement, ça n'a pas rapport. C'est à cause de nous autres. C'est le chronique-là. Trop d'en lire. Je vous lirai ça, puis on va retenir au courant plus tard. Génial. Mais si vous avez des questions à ce sujet-là, il y a différents articles sur Internet. Ouais, qui... Ça a l'air très, très focus étudiant, mais en même temps, c'est ça. Mais j'ai une question pour toi. Tu m'as dit que le vote pour l'AGQTR se terminait le 28. Oui. Et celui-là débute le 28. Donc, est-ce qu'il y a une fenêtre d'opportunité où tu pourrais faire deux pierres d'un coup pendant quelques minutes et voter pour les deux? Ouais, mais passe pas tout droit de ton cadran parce que le 28, on annonce à 11h les gagnants. Fait que c'est pas le temps d'aller voter à 4h, il est fini le vote. Exact. Regardez, vous êtes tout le temps sur votre ordinateur. Sans blague. Vous êtes tout le temps sur Facebook. Ouvrez une nouvelle fenêtre, uqtr.ca, tu ouvres ton portail, tu cliques, ça te prend une minute de sélectionner les candidats de ton choix. Puis à ce moment-là, ton devoir de citoyen est fait. Puis si tu veux vraiment bien faire les choses, tu peux aussi te renseigner un petit peu sur les gens qui se présentent. Un tantinet, un minimum. Ouais. Écoutez donc, au moins Assemblage requis la semaine prochaine, la semaine du 24. Ça, ou tu ouvres le Facebook des candidats, vu que tu étais déjà sur Facebook. Mais voilà, comme Mathieu l'a dit, du 24 au 28, période de vote pour la GEQTR. 28-1-2-3, bureau de vote étudiant qui est sur le 4e étage Ringuet de l'UQTR. C'est une nouveauté. Profitez-en. Démontrez votre appréciation qu'enfin le kiosque de scrutin vienne à vous pour que vous n'ayez pas à vous déplacer. Donc, si vous démontrez un intérêt, vous démontrez une augmentation du taux de participation, ils vont peut-être mettre en place de plus en plus de services et de ressources pour nous, les étudiants. Tout à fait. Génial. Autre chose. Wow! Tu l'avais dit qu'il y avait beaucoup de dossiers. J'avais dit que son dossier était très volumineux sur sa table aujourd'hui. Les sujets coulent de partout. Hey, Laurence. Dernière chose qui est un peu plus loin, quand j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais faut encore se préparer. 12 avril prochain, qui est un samedi, qui est le marathon. Le marathon à l'UQTR qui est organisé par une association de niveau 3 de... Sénégalais, Congolais. Oui. C'est vrai. De personnes d'origine du continent africain. Oui. Voilà. Mais c'est du je me rappelle pas. Je me rappelle avoir vu l'article, mais je me rappelle pas. Je m'excuse. Si on a un zone campus dans le coin, on va savoir. Mais le 12 ça. Avril prochain, pour vrai, il va y avoir un marathon super intéressant qui passe par. Ben en fait, qui part de l'UQTR. On vous invite à participer et tout. Présentement, les formulaires d'inscription ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore distribués. Là. On va vous tenir au courant via la GEQTR, mais c'est un projet d'une association de niveau 3, donc c'est une association qui découle de la GE, qui est un rassemblement d'étudiants par intérêt et non pas départemental. Et voilà, ils organisent pour vous un marathon qui est une nouveauté, qui va se promener dans le parcours est à travers la ville de Trois-Rivières. Et voilà. Donc c'est ce qui faisait le tour de quelques activités de la semaine prochaine et qui mettait fin à ma chronique. Ah voilà! Wow! Super, merci Marie-Laurence. Et merci à vous. Si les gens venaient de se joindre à nous, mettons, pour avoir les infos, il y a un site internet. Exactement, donc le site internet de l'AGEUQTR, c'est ageuqtr.org. Et à ce moment-là, vous avez toutes les nouvelles, les événements, les activités qui vous attendent. Sur Facebook, il y a toujours la page de l'AGEUQTR, sur laquelle on retrouve aussi les différents événements auxquels vous allez avoir plus d'informations. Donc, vous pouvez marquer que vous allez participer. On vous attend en grand nombre. Yeah. Génial. Marie-Laurence Audet de la GQTR, on te retrouve, je crois, aux deux semaines en ce moment. Exactement, avec deux chapeaux. Avec deux chapeaux, ta chronique « Le Loisir bien plus qu'un jeu » et la GQTR. Et on va retrouver Mathieu Roy potentiellement la semaine prochaine. Donc, soyez-y pour la chronique de la GQTR tous les mardis dans l'émission. Bonne journée. Bonne journée. On prend une pause au retour, Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Le temps d'une culture, come on! Dans tes oreilles. 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, en ce beau petit matin, bien sûr, qu'on adore. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour tantôt. Moi, c'est Mathieu Plante. Et dans quelques instants, Alexandra Carignan va se joindre à nous sur nos chaises ici confortables pour se connecter le temps d'une culture. Mais avant ça, voici Statue Park et 1983. Ça, c'est fou. Pour le fun, à fait. Cette jukebox 1983. Assemblage avec qui? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Toujours assemblage requis. Jean-Philippe est là. Oui, Mathieu Plante aussi. Merci beaucoup. Vois-tu au loin, en train de s'en venir en galopant sur son cheval à crinière? Ça reste de la culture. Oui, c'est, non, c'est, est-ce un avion? Est-ce Superman? On mélange les analogies, je pense. Oui. C'est le temps d'une culture. Culture avec Alexandra Carignan, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, toi, ça va? Très certainement. Oui, ben toujours, hein, t'as toujours l'air de bien aller. Hein. C'est rare que je te vois maussade. Ben c'est ça, ça m'arrive. Des fois, je suis bougonne, des fois. Mais... Okay, bon. D'accord, ben, je m'arrange pour être tout le temps de bonne humeur avec vous. Je te pogne les bonjours, c'est ça. Donc, on parle d'art et spectacle comme toujours. Il y a, j'imagine, plusieurs domaines qu'on couvre là-dedans. Je sais que t'es une femme qui a des goûts multiples, variés. Oui, et en fait, il faut savoir que je dis pas tout le temps ce qui est à mon goût aussi. Des fois, je vais... Je devrais préciser ça, là. Je dis, allez-y pas. Je sélectionne pas juste des trucs qui me plaisent parce que j'essaie d'élargir l'auditoire. Mais cette semaine, particulièrement, il y a beaucoup de choses. On va commencer premièrement. En fait, on va faire un espèce de calendrier, puis on va finir par une gâterie. Est-ce que ça vous va? Tu préférais pas une gâterie par événement comme le calendrier de l'Avent? Malheureusement, le budget est restreint. Je te dirais pas quoi faire. Là. Mais en fait, toute ma chronique est une gâterie parce que je vous donne. Mais oui, j'allais le dire. Pour la culture. Mais oui. Eh bien, en fait, je vais vous faire un calendrier de la semaine. On va commencer ça aujourd'hui, le 18 mars. Parce qu'il y a un match de la Lime ce soir. Mais oui, comme tous les mardis. Oui, comme tous les mardis. Donc là, c'est pas une nouvelle. Le lundi, c'est la Luître. D'ailleurs, hier, les Rouges ont gagné par un point sur les Verts. Bravo. Très beau match hier qu'on a eu à la Luître. Sincèrement, là, pas que la Luître fait pas des bons matchs, mais hier, j'ai été particulièrement contente du match qu'on a donné. C'était super entraînant, même si le public au début était moyen, disons. Somnolent? Bruyant? Bruyant. Okay. Ils étaient en fin de 5 à 7. Oh. Et c'est ça, mais donc ce qui a fait que le public avait de la misère à embarquer parce qu'il y avait des... C'est l'alcool. Un petit peu. Ouais. Mais ça, c'est, vraiment, là, les joueurs ont joué un match vraiment de feu. L'arbitre Jocelyn Garneau était parfait, comme d'habitude. Particulièrement en feu. Je sais pas, il me semble, à chaque fois que je le vois, il est particulièrement en feu, mais il me semble qu'il était particulièrement plus en feu que d'habitude. Oui, oui, effectivement. Mais je pense que l'arbitre Jocelyn Garneau va souvent s'adapter au public qu'il y a à la chasse-galerie. Je pense qu'il a senti une espèce de monotonie générale, donc il a voulu hausser son niveau d'animation, ce que je trouve tout à son honneur. Comme dirait Jean-Philippe Charbonneau, je sais pas si j'ai déjà fait ça, mais comme dirait Jean-Philippe Charbonneau, « I can guard no satisfaction ». Mais en fait, même je rajouterais, okay. Parce que son prénom, c'est Jocelyn. Oui. Jocelyn Garneau. Tum, tum, tum. Ben, c'est ça. Puis la suite, de ma chanson avec le début de ta chanson. Ouais, mais là, je pourrais y écrire une chanson pour quand il arrive sur scène. Oui. Malgré que j'ai quand même un faible pour le thème de Mortal Kombat. Oui, qui est très bon. Je trouve que ça donne un beat non seulement à son entrée, mais on dirait que ça commence bien l'impro. Communion des deux équipes! Le boum, boum, boum, boum. Ouais. En vrai, moi, j'aime ça. Finisher. Alors, ta chanson est bonne. Mais c'est pas ça qu'on veut dire, mais il y a quelque chose qui se fait de mieux. Exact, c'est ça. Puis tu sais, moi, je pourrais apprendre aussi que quand une blague tombe à plat dans la chronique d'avant, profite du changement de chronique pour lâcher ces blagues-là. Non. Puis penser à autre chose. Mais ici, c'est pas ce qu'on fait. On continue ces blagues-là. Puis on essaie de leur trouver une deuxième vie. Mais d'un coup, que ça marcherait. On recycle. C'est ça. Donc, la Luître. Ben oui, la Luître. Donc, la Luître jouée hier. Les Rouges ont gagné en prolongation. Pas en prolongation, par un point, pardon. Alors, c'était vraiment un beau match qu'on a eu. Et les séries s'en viennent, là. Mm-hmm. La semaine prochaine, match spécial à la Luître, version Pokémon. Oui! Et oui! Attrapez-les tous! Et oui, en fait, il va y avoir... je sais pas si je suis chanceux de dire ça. Spoiler mais bon, alert! Sortons le... Non. En fait, on l'a annoncé à plusieurs reprises. Oui, je pense qu'ils l'ont dit hier aussi. Oui, c'est ça, sur place. Et donc, il va y avoir un maître Pokémon qui va être comme un coach, en fait. Et lui va avoir quatre joueurs, comme quatre Pokémon. Aïe. Et il va décider quel joueur il envoie fois sur la glace contre le joueur de l'autre et c'est par élimination. Donc, l'équipe gagnante, c'est celle qui lui reste des Pokémon. Ce que j'ai cru comprendre, mais tu pourras me corriger si je me trompe, mais c'est que chaque Pokémon va avoir un genre de pouvoir un atout ou quelque chose de spécial. Je capote. J'ai hâte de voir. Pour vrai, ça va être vraiment... En tout cas, je suis intéressée à voir comment la formule va marcher en improvisation. Ça peut très bien marcher. C'est comme un peu un Royal Rumble qu'on a vu à plusieurs reprises, à la Lime d'ailleurs, qui est un espèce de... C'est ça, on sort. C'est un jeu rude, là. C'est du jeu de Punch Club, là. Tu fais ton gag, puis si ça marche, t'es sauvé. Wow! Et alors, ça, c'est quand les Pokémon, t'as dit? La semaine lundi prochain, le 24. À la luitre. Faut pas se mêler. Lundi prochain, à la luitre. OK, le 24. Le 24 à la luitre. Parfait. C'est le match spécial Pokémon. Ça va être génial. Et en plus, Pokémon est rendu sur Netflix. Mais oui. Regardez la série Pokémon pour comprendre les gags. Évidemment. Ben oui. Bien sûr. C'est nécessaire. Mon copain est tombé là-dedans. Tapez-vous les 728 demi-heures. Je prends mes cartes. Mais voilà, donc la luitre était hier soir. Ce soir, c'est la lime. Ce soir, ce sont les oranges qui vont affronter les mauves. D'ailleurs, mentionnons que le joueur Rémi Francœur ne sera pas là ce soir. Ah. C'est le substitut Henri Morissette qui va jouer. Henri Morissette qui a eu une étoile à son dernier match qu'il l'a fait. Substitut, mais non le moindre. Il faut dire que cette année, la lime, les substituts... sont aussi bons que les joueurs. Exactement. En fait, c'est pas difficile. Là. Qui d'autre, c'est Jean-René? Dans les blancs, c'est Jean-René. Qui est capitaine à la luitre. Il y a dans les mauves, c'est Xavier Bouchard-Paquin qui est non seulement coach des Scabs, mais qui a joué plusieurs années dans la Lime directement. Cette année, il est à Montréal, donc il fait quand même le chemin. Quand même. Et chez les Verts, le substitut, c'est Francis Legendre qui a été un joueur assez puncher à la Lime aussi. Legendre, wait for it, Dreux. comme on l'appelle. How I Met Your Mother. Oui, je sais, mais... Ouais. Oui, je sais. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Hein? Non. Es-tu moyenne et bonne? Laisse-moi y penser, je t'en reviens là-dessus. Les substituts sont tout aussi bons. Ce soir, c'est Henri Morissette qui va jouer au Orange. Bon match. D'habitude, les Mauves et les Oranges, c'est deux équipes qui scorent. Alors, ça devrait être pas pire match. C'est 20h à la Maison de la Culture, salle Louis-Philippe Poisson. 5$ étudiant, 6,50$ admission générale. Alors, ça, c'est pour le mardi. On sort déjà au mercredi. Il y a quelque chose tous les soirs de la semaine. Alors, mercredi, à la salle Anaïs Allard-Rousseau, on a un trio spécial qui est là juste pour vous, soit de Matt Anderson, Steve Hill et Kim Churchill. Moi, Kim Churchill, là, je l'aime d'amour, mais d'amour. Là. Ça a été une de mes découvertes. Je ne sais pas pourquoi, c'est en fait un guitariste australien. Et à Trois-Rivières, là, il y a la cote, mais vraiment fou. Là, on en déduit que Kim Churchill est un homme. Oui. C'est ce qu'on en déduit par l'explication. Oui, effectivement, c'est vrai. Hein, pour moi, c'est évident. Mais oui, effectivement, Kim Churchill est un garçon. Mais Steve Hill, non. Excusez, j'ai trouvé vraiment drôle. Blackwash. Oui, Steve Hill, tout le monde le connaît, le célèbre guitariste. Matt Anderson aussi est un guitariste. Donc, c'est un trio de guitaristes, comme une espèce de c'est ça, un trio parfait qui va faire un spectacle. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon. Une très bonne énergie. Moi, en tout cas, Kim Churchill, je l'ai déjà vu en spectacle à Anaïs Allard-Rousseau. Mind-blowing. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais je ne sais pas comment traduire ça. C'est complètement fou. D'ailleurs, il est tout le temps pieds nus sur la scène. Moi, ça vient me chercher. Pas que j'ai un fétichiste sur les pieds, pieds nus sur la scène. Il y a des cheveux blonds, là, un peu frisés. Ah, c'est lui, ça, oui. Ouais. Tu sais, là, il a de l'air de dire « Moi, je surfe dans la vie c'est et vrai. Je t'aime. » Tu sais, c'est ça. Il est pieds nus sur la scène, ça y rajoute un petit quelque chose. On appelle ça des écharmes. Merci, Mathieu. Ben oui, hein? Tu rires nerveux. Genre, il est sérieux? Ça joke. Mais bref, donc, mercredi, à la salle Anaïs Allard-Rousseau, le billet pour les étudiants, c'est 27,20. Pour les réguliers, c'est 30$ pile poil. Ben, plus taxe, là. Pile poil, plus taxe. Avant taxe, pile poil. Et pour boire et commission. Alors, non, il n'y a pas de pourboire. Non. Sauf si tu te prends une bière. Ben oui. Du trou du diable, parce qu'il y en a à la maison. Delicious, ben oui. Ben oui, delicious. Alors, mercredi cette semaine, ce sera Kim Churchill, Matt Anderson et Steve Hill à la salle Anaïs Allard-Rousseau. On va maintenant à jeudi. Eh bien, jeudi, on revient avec la luitre parce qu'il y a un match spécial à Borealis. à Boréalis. Mm-hmm. Donc, le Centre d'histoire de l'industrie papetière transforme ses voûtes en salle de spectacle, puisque les improvisateurs vont y faire un match. Et là, vous me dites, oh, mais là, c'est la soirée du débat de chef. Ça s'enregistre? Ben, en ouais. fait, les, ça, non seulement ça s'enregistre, mais dites-vous que... Il va y avoir des blagues, parce que c'est ça. C'est drôle, là, le débat des chefs. On va pas aller chercher du contenu là-dedans. Là. Alors, vous vous dites, est-ce que vous avez mieux rire devant votre TV ou avec des improvisateurs vraiment nice? Le choix est facile. Le choix est facile, parce que faut mentionner que c'est pas juste la Luître qui va jouer cette semaine, jeudi, à Boréalis. Évidemment, on a l'équipe de la Luître, donc Jean-René Cocotte-Boutin, Élodie Mongrain, Philippe Grenier, Jean-François Latour... Et Laurence Gélina. Cinq joueurs, attends et un oui, peu. Là. Cinq, ben, en fait, quatre joueurs okay. et une arbitre. Oh. oh! Parce que Laurence Gélina, elle est arbitre à la Luître. C'est vrai. Et ils vont affronter des vétérans de la Luître. Alors là, on parle de Marc-André Fortin, Luc Massicotte, Guillaume Cholette-Janson, Rémi Francoeur et Hélène Martin. Donc, c'est une équipe, c'est Lim Style, mais ben, c'est les anciens de la Luître, mais c'est des gens de la Lim en ce moment, ça. Oui, effectivement, sauf Luc Massicotte, qui n'est pas dans la Lim. D'accord. Cette année, vu sa tentative électorale en automne, il avait décidé de ne pas revenir. Là. C'est ça, il n'est pas revenu cette année, mais l'année prochaine, on va sûrement le revoir dans le décor. Alors, pour vrai, ça va être vraiment le fun et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, vous vous présentez à Boréalis, qui est premièrement une superbe belle place. Là, vous arrivez là, ils vous disent, j'imagine, bon, ça va coûter tel prix pour entrer à Boréalis, parce que d'habitude, à Boréalis, j'imagine même que tu payes. Pas. Même pas. Ben non. Non. Tu payes pas pour payes entrer. Pas, ben non, ben c'est non. gratuit. Ben voyons, non. Évidemment, t'as pas de visite guidée, là, ouais. qui dure 1h30, mais c'est correct, parce que... T'es pas là pour ça. T'es pas là pour ça. Mais tu y retourneras. Ben oui. Mais ben pour vrai, c'est vraiment un très beau musée. On a, selon moi, la plus belle vue sur le fleuve Saint-Laurent. À partir de ce musée-là. Alors, ce jeudi à 19h, là, on le mentionne, parce que d'habitude, la Luître, c'est à 19h30. Là, on fait « Oups! » À 19h. De 19h à 10h. Ça, faut quand même mentionner. C'est 3h. 3h. Alors, c'est un 3 gros match. Un gros match bien rempli. Un gros match. Rempli de rebondissements et d'actions. Oui. Et oui, et de promesses électorales. Tout ça, des deux promesses électorales. Parfait. Oui, oui. Alors, c'est ce jeudi à 17h. Donc, la Luître... 19h. 19h. C'est parce que là, ça a été 5 heures de match. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 5h30, j'ai 5h30. 6h, ça y est, tu connais 16h. 5h, OK. Alors, voilà, à 19h, parce que là, c'est ça, Facebook met 17h PM. Fait que ça me mélange. Maudits Américains. Maudits Américains. Ça, c'est moi, parce que je l'ai mis en anglais. Moi aussi. Alors, donc, à 19h. Ce jeudi, c'est la Luître, donc les vétérans contre les joueurs présents. Pour vrai, ça va être vraiment un bon match. Moi, je quitte un événement pour aller voir ça. Oh, hein? Que... Dans ta face, autre événement. Dans ta face, autre événement. Alors, ça, c'est pour le jeudi. Et maintenant, nous allons au vendredi. En fait, vendredi, y a rien. Fait qu'on va aller au samedi. Bypass, pass et go, récolter 200$. Pass et go, allons. En fait, samedi, vous avez deux choix. Ah, mais en fait, vous pouvez aussi aller voir le film Divergent qui sort vendredi. OK. Mais c'est correct. Moi, je vais y aller pareil, même si vous n'êtes pas là. Alors, samedi, vous avez deux choix. Donc, il y a un spectacle au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières et un au Zénob. Au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, c'est le fameux groupe trifluvien Bears of Legend qui va présenter son spectacle. Donc, vous allez me dire, oui, mais on l'a vu 46 fois. Mais bon, ben oui, mais ils sont bons quand ça même. Fait, ça fera 47. Ça fera 47, hein? Bears of Legend, wait for it, Et contrairement à mes autres spectacles, ils ne sont pas présentés à la Maison de la Culture. Ils sont présentés au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. C'est un petit upgrade. Ça veut dire que c'est cool parce que ça veut dire que tu foules déjà Anaïs Alain-Rousseau. Mais que tu foules pas encore Gia Thompson, mais c'est correct qu'il y a pas grand monde qui foule ça à part des humoristes. Alors, ou Éric Lapointe. Alors, on va au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, qui est une magnifique place. Les billets sont à 24,50 étudiants, ce qui n'est pas vraiment cher. Régulier, 27$ pile-poil, plus taxes. Pas pour boire encore. Non, pas pour boire. Ben, sauf si vous prenez des consos, hein, tu sais, il faut quand même le mentionner. Mais je pense qu'il n'y a pas de consos au théâtre. Alors, il n'y a pas de taxes. Pas de taxes! Ben, en fait, il n'y a pas de pourboire. Ben voyons. Et là, je vous mélange. Préparez-vous un petit 30$. 27 pile-poil plus taxes, pas de pourboire. Voilà. Donc, ce samedi, ça, c'est à 20h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, Bears of Legend. si vous filez un peu plus claustrophobique, on va aller aux Zenobes parce qu'il va y avoir du monde pour le spectacle d'Amélie Gagnon. Amélie Gagnon, qui est quand même connue à Trois-Rivières. Le quartet, c'est elle qui a gagné. Oui, elle a fait UQTR en spectacle. Ouais. Donc, son batteur, c'est Jean-François Veilleux. Donc, c'est du monde qu'on connaît. Elle a une excellente voix. Elle fait du folk pop francophone. Une très, très belle voix. Une voix chaleureuse, mais aussi qui peut aller sur plusieurs niveaux. Et c'est ça, donc on l'a déjà entendu à l'UQTR à plusieurs reprises. Là. Puis là, elle se présente au Zenobes. C'est ça, j'ai dit claustrophobique parce que c'est sûr qu'il va y avoir du monde. Amine Gagnon, elle est connue de plusieurs. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait son spectacle. Ça va brasser au Zenobes. C'est à 9h30, donc c'est en fait, vous pouvez quasiment aller voir Bears of Legend. Et vous dépêchez aux Zenobes, pif pouf, on va voir Amélie Gagnon. Donc, c'est 5$ à l'entrée et on mentionne un gros sourire aussi. Donc, qui va être donné ou il faut arriver avec un gros sourire? Il faut... dur à dire. Hein? C'est dur à dire, c'est pas spécifié. Pas clair. C'est pas clair. Alors, c'est à 21h30. 9h30 p.m. C'est samedi, 9h30 p.m. Et non pas Patrick Masvoyant. Moi, p.m. à France, c'est tout le temps ça. P.m. P.m. avec Patrick Masvoyant. Ben oui, mais moi, c'est ça que oui. Ça me fait passer tout le temps. Alors, 21h30, au Zenobes, le spectacle d'Amélie Gagnon, 5$ à l'entrée. Ouf! Je vous ai fait toute votre combinaison de la semaine et là, je suis rendue à la gâterie parce que il faut mentionner que cette semaine, on a une sortie d'album qui, moi, était très attendue parce que c'est un artiste que j'adore. Son premier album, Ma bête fragile, je l'ai écouté 2 millions de fois. Et bien, je parle de Francis d'Octobre. Il faut dire que son dernier album, là, donc Ma bête fragile, date quand même de 2010. Et là, vous vous dites... Aïe, aïe, c'est loin, ça, 2010? Effectivement, c'est loin quand t'aimes l'artiste. Ça fait long à attendre son album. J'ai détonné de le réécouter. Mais bon, là, il sort, il l'a sorti hier. Donc, boudou, boudou, boudou. Hier, le 18 mars, il l'a sorti. C'est-tu hier, ça? Ben non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mardi. Au moment où on se parle. Live, là, il est sûrement en train de l'imprimer, puis tout ça, là, il va sortir là. Non, ouais, ben c'est ça, il est en magasin, puis c'est ça. Donc, il a sorti son deuxième album, Le commun des immortels. Francis d'Octobre, moi, je l'aime, non seulement par sa voix, je trouve qu'il y a une voix très... Oh, je l'aime d'amour, là, je parle pas à... Je parle pas de manière objective, là. Mais je trouve qu'il y a une voix qui transmet beaucoup les émotions. Et il y a une poésie dans ses textes qui est vraiment belle. La première écoute que j'ai faite vraiment rapide, parce que il vient de sortir l'album, ben là. C'est beaucoup plus calme que le premier album. Mais souvent, c'est ça. Il y a une touche de nostalgie. Tout le temps qui est présente. Là, on dirait qu'elle est un peu plus présente. Je vais quand même pas vous faire entendre une toune nostalgique parce que, bon, pour le matin, ça peut être un peu déprimant. Mais c'est vraiment bon pour vrai. Ça vaut la peine d'écouter les chansons, d'écouter les mélodies, beaucoup de piano. Mais moi, ce que je vais aller vous faire entendre, c'est une... À la première écoute, c'est une de mes préférées de l'album. En même temps, ça a peut-être changé, là. Mais alors, je vais aller vous faire entendre une nouvelle chanson du CD de Francis d'Octobre qui vient de sortir, Règne animal. Rassemble un truc, c'est le temps d'une culture. Avec Patrick Masbourian. Non! Oh. J'ai cessé de chanter aux branches des arbres, étouffé par le bruit que font ces anges de métal. La soif de ces monstres ne connaît plus aucune limite. Ils avalent tout sans morale, sans répit jour et nuit. Plein, ils se mettront à rire. Plus rien ne va sous le règne animal. Tout est perdu, en effet, on ne fait rien qui vaille. lois, le plus fort est roi sur la montagne. Plus rien ne va dans ce règne animal. La peur a pris le ventre, a pris le cœur des plus faibles. La pitié n'est plus de ce monde, n'est guère de ce règne. Ils iront jusqu'à tout vendre, à tout brûler sans gêne. Un à un, ils tomberont comme des oiseaux du ciel. Ils iront jusqu'à tout brûler sans gêne. C'était Règne animal de Francis d'Octobre, extrait de son nouvel album Le commun des immortels qui est sorti aujourd'hui. Je l'aime d'amour vraiment beaucoup. J'écoutais la chanson et j'étais ah oui, j'aime ça. Tu as eu beaucoup d'amour aujourd'hui, t'es avec Kim Churchill tantôt. Ah oui, mais Trois-Rivières me donne tellement beaucoup d'amour dans la culture. T'as un grand cœur aussi, faut dire. Alors, donc c'est ça. Donc cette semaine, là, beaucoup de choses là, pour faire un récapitulatif. Donc ce soir, la Ligue d'improvisation martienne, 20h. Mercredi, c'est Kim Churchill avec Steve Hill et Matt Anderson qui va être à la scène Alain-Salvador Rousseau à 20h aussi. Jeudi, c'est l'improvisation à Borealis. Vendredi, vous avez congé. Samedi, c'est le choix entre Bears of Legend au théâtre du Célèbre de Trois-Rivières ou le spectacle d'Amélie Gagnon au Café Zenob. Donc, et vous allez vous acheter le CD de Francis d'Octobre qui est disponible en magasin dès maintenant. Merci, boss! Ça fait plaisir! On rappelle, on le dit pas assez, cette chronique Le Temps de culture a tendance à être diffusée le mercredi matin. Donc, pour ceux qui nous écoutent le mercredi matin, faites la translation latérale vers la droite d'une journée. Ben oui. Vous allez tout comprendre. Donc, vous n'aurez pas pu voir la lime, mais vous allez être le soir même pour voir le beau. Exactement. Kim Churchill. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Donc, Alexandra Carignan, on te retrouve la semaine prochaine. Le Temps de culture, c'est mardi à 9h. Ici même à Assemblage Requis. Oui. Passe une belle journée. À vous aussi. Une belle fin de semaine. Là, tu vas passer... fin de semaine. C'est ça. Une belle fin de semaine. Après ça, tu vas passer un beau début de semaine. Après ça, tu vas passer un beau mardi matin jusqu'à temps que tu viennes nous voir. Puis c'est un ordre, OK? OK, j'ai pas le choix. Rien de moins. Rien de moins. C'est l'ordre des choses. Merci encore une fois. Nous, on termine l'émission ici, Jean-Philippe. Oui, ouais, une autre journée de fête dans la semaine. On remercie plein de gens aujourd'hui. Jean-Samuel Gay, pour commencer. Oui, avec sa chronique automobile PRNDS. Suivez-le sur sa page Facebook. Oui, et ensuite Marie-Laurence Audet. Oui, qui a fait deux chroniques ce matin, la GEUQTR et ainsi que le loisir, bien plus qu'un jeu. Alexandre Carignan. Pour le temps d'une culture. Du côté, Camille Max Goulet. Oui. Pour les soirées cachées qu'on rappelle qui sont ce soir. Oui, ce soir le mardi. On est le 18. Oui. À 22h, c'est à la galerie R3. Ici même sur le campus de l'UQTR. Oui, manquez-vous ça, ça va être douillet. Encore une fois, c'est Eliott Maginot, oui. Et Coco Méliès. Exactement. Voilà, soyez-y. Évidemment, la page Facebook et des soirées cachées, c'est fou. Pour plus d'informations, merci à toi, Jean-Philippe. Hey, merci beaucoup. À toi, Mathieu. J'ai été tannant, je trouve, aujourd'hui. T'étais tannant, mais dans le bon sens. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ta chanson. Cherche un mot qui finissait par Yon. Ouais, Yon. Si tu me le lances avant la fin, le go. C'est une bonne émission. C'est quoi déjà l'air? Une bonne émission. Comment? C'est ta chanson, mais c'est toi qui l'as inventée. Là, je suis sur d'autres choses, on dirait. Merde. C'est vraiment une fin en queue de poisson. Queue de poisson. Queue de poisson, Godot. C'est vraiment pas bon. Mathieu, fallait que tu... Non, Je peux changer. Restez sur nos ondes aujourd'hui, le dîner de con. Dîner de con, come on, good time. Tu verras à 11h. Ensuite, Rock Classique avec Alain Lefebvre entre 11h et 19h. 19h, animation avec du métal et de l'horreur. Dans quelques instants, les malhonnêtes à 10h. Restez là. Mathieu, je t'ai épuisé. Moi aussi, cif.ca. Pour la programmation complète. Programmation complète, c'est fou. Point C.A. Point C.A. Et assemblagerequis.com. Oui, pour les balados-diffusions et les notes de l'émission. On se quitte là-dessus. Passe une belle journée, Jean-Philippe. Merci, Mathieu. Et vous aussi, les petits requins poissons. Oui. Poissons. Poissons, good time. Non, je suis tanné. Ouais, pour de vrai, moi aussi. On devrait vraiment. Si au moins je faisais des choses drôles. Ce gag-là, dorénavant, n'aura plus lieu. Non. Donc, sachez-le, c'était sa dernière présentation. Représentation. Oui. Représentation, good time. Comment? Je suis tanné.